exclusivité. Corruptible, tu le sais. M.O.N.E. Hip Hop Volume 1. Il corrupte, il corte. Une nouvelle bave dans tes baffles. J'ai toujours pas le son pour t'émouvoir. Pour voir l'amour croître, des mots pour voir naître. Pouvoir de se dire de l'être. Celui qui te permettra de croire au travers de l'être. De consonnes, de voyelles ou de lettres. Que trop de cons sautent-tu. Que ma voix elle, elle est de l'aide. Et je donne le ton quand mes pensées titubent. Si je tombe, j'enterrerai à mes dépens les petits tubes. J'aime toujours pas les couplets formatés. J'aime la rime au coup près, ouvrir tes plaies. Puis les colmater, anti-format. Parce que depuis les colmater, le con m'a hanté. J'ai inspiré, craché ce à quoi la vie n'a pu m'acclimater. Sous intempéries, mon rap germe mais après intempéries. J'ai pas ma place dans les hits, je me sens bien au sein de tes périples. Moi génie, talent ni génie, je casse ma mine. Et talent nuit si je nie le talent de nuit. Je suis quand même si comme tant d'autres. Je mets peu de crédit à mon statut d'auteur. Et c'est pas que la barre soit haute, je laisse à d'autres le privilège de jouir de l'argent du rap. Moi je mise entre autres sur l'art et les gens du rap. Parce que toujours à l'image de ce que je suis, mes pages transpirent la vérité à chaque rime que j'essuie. Je n'ai rien comme motif, si ce n'est une vue sur l'existence trop émotive. Crois pas que le billet motive, je ferai avec mais je ferai sans. Pour être franc, j'ai pas attendu le rap pour faire des francs. Et sorry ce texte, c'est pour les gars des sous-sols. Ceux qui marchent droit, car peu de carrière dans les sous-salles. Moi je n'ai comme objectif que de faire bouger les deux sous-salles. Et sorry ce texte, c'est pour les gars des sous-sols. Ceux qui marchent droit, car peu de carrière dans les sous-salles. Moi je n'ai comme objectif que de faire bouger les dessous de salle. À ceux qui restent eux-mêmes, ceux qui se placent en dessous de ça. Et peut-être que ce texte, ça n'est que des larmes perdues. Si j'écris, c'est que dans nos têtes le choc perdure. Je suis de CMC, qu'aucune tendance ne perturbe. Si je pète au score, c'est pour que dans les casques ça percute. Et ce n'est qu'un aperçu, le goût de ma live en continu. Comme mafioso, je suis de ceux qui aiment soigner le contenu. Donc je mets le bon sens en pratique, car je pense qu'il y a encore de l'espoir pour les mômes, même s'ils en pâtissent. Si je décris si bien la merde, c'est peut-être qu'elle m'a rendu empathique. Dédié aux artistes, manière d'art triste. Et sorry ce texte, c'est pour les gars des sous-sols. Ceux qui marchent droit, car peu de carrière dans les sous-salles. Moi je n'ai comme objectif que de faire bouger les deux sous-salles. Et sorry ce texte, c'est pour les gars des sous-sols. Ceux qui marchent droit, car peu de carrière dans les sous-salles. Moi je n'ai comme objectif que de faire bouger les deux sous-salles. À ceux qui restent eux-mêmes, ceux qui se placent en dessous.